Test, test, test. Peuple de la Terre, bonjour et bienvenue à Pod Modernisme, la 32e édition. Ha ha! Oui, rebonjour cher public virtuel, vous écoutez toujours Pod Modernisme, c'est toujours André Péloquin au micro en cette 32e édition. Aujourd'hui, une édition remplie de nouveautés piquées sur MySpace et on terminera avec un petit peu de contenu pour faire changement. J'ai réalisé un petit reportage couvrant ce fameux iPod Battle qui aura lieu le 27 mai prochain à l'Union Française, revampé à Montréal. Si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur le site aflyisonthewall.com. Si c'est trop compliqué comme hyperlien, il y a aussi un lien sur mon site. On débute maintenant avec des pièces plus ou moins rock pour mettre du tigre dans ton basic. On va débuter avec Couple stérile de Major Bidet. Je vous avais déjà fait jouer Painful Love, que j'adore. Il paraît qu'une maquette qui devrait rejoindre les radios universitaires communautaires très bientôt, alors d'autres matériels à venir, enregistrés d'une façon un petit peu plus professionnelle que moi avec le MySpace. On va aussi avoir Xavier Caféine, une autre pièce après son Montréal. Et bien, il y a Gisèle qui l'a mis sur son MySpace Player, alors je vous la fais jouer pour vous. Et on va terminer avec une formation qui s'appelle Max Planck, c'est la pièce Son Audible. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre via mon courriel à podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com. Il y a aussi un site web où vous pourrez trouver un résumé des pièces qui ont été jouées, les archives, et il y a aussi des liens menant vers les artistes joués aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous procurer leur album, des billets pour leur concert, des t-shirts, patati patata, coucher avec, eh bien, vous aurez leur site officiel, leur lien email, etc. On débute maintenant avec Major Bidet sur Pod Modernisme. cherche une génératrice. Le robot commence à piquer des crises. S'en fâche étouffée, puis mandat. Ton air remonté, passe l'œil. Ton air remonté, passe l'œil. Oh! C'est toujours Péloquin, vous savez que c'est toujours pas de modernisme, la 32e édition, si je me rappelle bien de mes chiffres. On vient de terminer avec Max Planck, c'était la pièce Son audible. Un peu avant, on avait Xavier Caféine, avec Gisèle, et on a débuté le tout avec Les Fantastiques Major Bidet, c'était la pièce Couple stérile. Rendez-vous sur mon site pour avoir plus de détails. Yo, on poursuit dès maintenant avec des trucs justement un petit peu plus hip-hop. On va avoir entre autres Semi Bruce et DJ Zebra, qui est un DJ français qui s'adonne à des mashups, à de la bastard pop, c'est-à-dire réunir un instrumental et un a cappella ensemble pour faire une toute nouvelle pièce. Et bien, il y a tout récemment, il a retouché à ses chouchous montréalais de Arcade Fire, et ça donne quelque chose de plus ou moins douteux. Je vais vous en laisser en juger par vous-même, mon tadine. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com, ou encore le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Oh yeah! Jingle like the sun on set. j'aurais voulu être un MC. Ben, je suis. Yeah! Hey yo, je cherche la porte, celle qui m'apporte la bonne place. La bonne place, trouve pas, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Y'a plein de choses que j'ai faites que j'effacerais. Fait que ma route était faite, c'est bon de la retracer. J'accepte la défaite, là je m'arrache à tracher. À force de crier, mon entourage peut la trasher. J'ai laissé crasher, toute celle avec qui je m'envolais. Je voulais pas aller si haut, je m'excuse au con, tu m'en voudrais. On chante toute une chanson censurée, mais les temps changent, les choses prennent souvent un autre tangente. Je cherche ma tante ange depuis l'âge des nightclubs. Reste des souvenirs qui nagent dans ma tête, mais ça s'arrête là. Peut-être pas j'ai fait les bons choix, j'ai peut-être pas épongé, assez la plaie, peut-être j'ai coupé les ponts trop vite. Peut-être pas j'ai fait les bons choix, j'ai peut-être pas épongé, assez la plaie, peut-être j'ai coupé les ponts trop vite. Si elle me casse la voix, fait croire que on finit tout par trouver sa voix. J'en oublie mes trous de mémoire, mes trop pis mes détours. J'ai trop souvent été trop loin, moi j'ai passé des tours. Un gars le droit chill, kill the time. Pendant que j'kill le track, avec quelques rhymes sur le coin de la table. S'il faut, j'quitte the rhyme quick, squat, ce que j'fasse donc. Mon quest c'est le mic, j'm'en sors pas d'aucune autre façon. Je voulais briller, briller, je voulais crier, crier. On m'a pas vu ni entendu, un pauvre cri. J'aurais aimé quelqu'un me trace une map de ma vie. Pour sache calculer mon trajet à travers mes ennuis. Travail dur ce temps-ci, je traverse une période difficile. Mon pire ennemi, c'est ma paresse, je lis, c'est bon pour que ça paraisse. J'ai fait mal de mon bord, puis je vois que je fais de quoi de mon corps. Je crois que mon grand voyage pourrait m'amener à bon port. J'cherche le bonbon pas cher et non cheap shit. J'suis black sheep du hip-hop, pas ça en pensée que j'pite. J'suis parlé franchement, tout ça étrange, détend. J'vois d'envoyer mes tracks des radios comme si bon souvent jouer. Où vous soyez, les heads, pour vos peines être noyés. Si c'est noyé, trop tard pour me trouver d'autres moyens. J'suis juste une voix qui répond du beat. Dans les speakers, puis ton tranche de ma vie. J'ai perdu le goût de perdre, soit je me permets d'opérer la fâche. Je verrai où je vais atterrir, c'est bien mieux finir en terre. Vous écoutez toujours pas de modernisme et on vient de terminer avec deux pièces de rap. On vient de terminer avec J'aurais voulu briller de Sammy Bruce. C'est un peu en avant, on avait de la bastard pop du DJ français Zebra qui s'en prenait au Arcade Fire en les mixant avec du Beastie Boys, hein, pourquoi pas. C'était la pièce Looking Down the Arcade Fire. On va poursuivre maintenant avec des trucs un petit peu plus éclectiques. On va avoir entre autres du Ghislain Poirier qui s'en prend au Georges Leningrad. On va aussi avoir du Matt Fuzz et histoire de se faire plaisir, du numéro. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous le rappelle une fois de plus, mon site web c'est le podmodernisme.blogspot.com, mon email c'est le podmodernisme@gmail.com. Ah ah ah! Autocollant d'ONG sur mes speakers, petite phrase écologiste. À mon concert, moi j'ai l'espoir d'une jeune fille en jaune fluo qui croit à la paix dans le monde. Les animaux, soyons tous ensemble. La planète Terre, moi je le dis dans mon disque. J'ai fait ma part, moi j'ai l'espoir dans le cœur. Star modèle, ouais j'ai pas peur de le dire. Star modèle. juste l'égalité dans le monde. Moi, dans ma limousine, je vois les yeux des fans qui dégoulinent. Quelquefois, je les invite backstage. Je leur dis tout connement, faut donner aux pauvres. Sinon, ça va être l'hécatombe. Y'aura même plus Jésus au ciel. Bono le fait pour sa carrière. Moi, je le fais pour ma foi. On m'invite pas au Live Aid. Je suis en concert en Afrique ce soir. Cet été, je pars en vacances. En Afrique noire. Pareil que là-bas, y'a pas de snack. Pas de place de star. Encore moins de salle de gym. J'y crois même pas. Moi, je décide d'être gentil. J'oublie Dubaï. Moi, j'ai l'espoir dans le cœur. Star modèle. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Star modèle. Pour tous les amis. Tout le monde, vous écoutez Pas de modernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Et on vient de terminer avec du Matt Fuzz, projet de musique 8 bits. C'était un mash-up, plus ou moins, de Tony Yayo, oui, le rappeur de Jens Lekman et d'un bon vieux Game Boy. Et la pièce s'appelle That Fire. Un peu avant, on avait les Georges Leningrad repiqués à la sauce Ghislain Poirier. C'était leur classique Supa Dupa. Et on a débuté avec Numéro. Avec la pièce Star Model, pour ceux qui se tiennent au courant des faits et gestes de Numéro, ils seront du iPod Battle qui se tiendra le 27 mai prochain ici à Montréal. Pour plus de détails, ben patientez, il y a une entrevue qui s'en vient avec quelques-uns des organisateurs. On va poursuivre dès maintenant avec un bloc vraiment cliché. J'étais à bout d'inspiration, faut croire. On va y aller avec un bloc de pièces tournant autour de Wolf Parade. Comme c'est prévisible. On va voir entre autres du Handsome Furs. Ça, c'est un side project d'un membre de Wolf Parade, de Dan Bochner. Il y a aussi, on va aussi entendre un peu de Sunset Rub Down, ça c'est le projet de Spencer Krug de Wolf Parade. Et on va aussi avoir Dante De Caro qui était avant dans Hot Hot Heat et maintenant dans Wolf Parade, qui va nous faire aussi une petite pièce toute sympathique. Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme@gmail.com. Mon site web c'est le podmodernisme.blogspot.com. Oh oh! Your bones. Like a boy else I know my age. Était-ce Bob Dylan? Mais non, c'était Dante DeCaro sur les ondes virtuelles de Pod Modernisme, la balado-diffusion qui tente de spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif dans la province du Québec. C'est André Péloquin, toujours en votre compagnie, en direct de son micro qui sonne cacane. Et malgré ce que j'ai pu dire au début de cette balado-diffusion, c'est la 33e édition, je suis sous. On va dire que je suis sous, là, et puis c'est ça mon excuse, prenez m'être gouré dans les chiffres. On vient donc de terminer avec Shawinigan Blues, Dante DeCaro. Un peu avant, c'était Sunset Rapdown avec une reprise au piano d'une pièce de Wolf Parade, ou peut-être était-ce une pièce de Sunset Rapdown qui était repiquée, remixée, refontée, remise maison, garage sur l'album de Wolf Parade. C'est la pièce I'll Believe in Anything, You'll Believe in Anything. Okay. Et on a débuté avec Handsome Furs, c'était la pièce Dumb Animals. Handsome Furs d'ailleurs qui ont joué quelques concerts avec Malajub en Scandinavie, comme quoi le monde est petit. On va terminer dès maintenant cette balado-diffusion avec l'entrevue qui va peut-être vous éclairer ou vous donner le goût d'aller voir cette fameuse iPod Battle du 27 mai prochain de 21h à l'Union Française. Bonne écoute tout le monde, on se reprend très bientôt et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'ici la prochaine balado-diffusion, vous pouvez m'acheminer tout ça au podmodernisme@gmail.com. Pour avoir plus de détails sur la programmation et sur les artistes joués, consultez mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Bonjour tout le monde! Je voulais voir le prince, je voulais ce qu'il a les dents pointues et les oreilles filées. Cet animal Dans l'esprit de celui qui ne veut On perd l'univers avec toutes nos histoires. Change, s'élance, mais n'avance pas. Je ne suis qu'une ombre sur le mur. Je te dis, tu vas voir, je vais t'emmener plus tard. Je ne suis qu'une ombre noire. Je suis sur un mur blanc pour que tu puisses me voir. Je ne viens que le soir pour te voir. Je ne viens que le soir, je suis une ombre noire. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Thank you.